Bière. J'ai bu une bière. Français. J'ai appris le français. Café. J'ai bu un café. Douche. J'ai pris une douche. Livre. J'ai lu un livre. Mal à la tête. J'ai eu mal à la tête. Malade. J'ai été malade. Gymnastique. J'ai fait de la gymnastique.